Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et encore une fois cette semaine, j'animerai cette belle émission sur l'automobile avec mon collègue et mon ami, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Salut jeune homme! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Ça va occupé, tu m'as dit? Ah, je suis dans le jus là, à un niveau olympique. Je t'avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans le jus comme ça. Faut dire que j'avais pris ça mollo au cours des dernières semaines. Ouais. Pour des raisons de santé, mais là, cette semaine, ça m'a rattrapé solidement. OK. Ben, des fois, d'être dans le jus, c'est bon. Ça apporte du revenu un petit peu. Donc, c'est quand même bien. C'est pas une mauvaise affaire, des fois. Ça dépend. C'est pas une mauvaise affaire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut réussir à faire tout ce qu'on doit faire et ça devient un petit peu compliqué. Oui. Donc, on va faire ça vite pour laisser le temps d'aller faire ton travail ensuite. Tu veux commencer par nous parler, Marc, de ta visite au Salon de l'Auto de Québec. Ouais, je suis allé au Salon de Québec en début de semaine pour la journée média. Bon, non, pour l'heure et demie média. Établissons les choses dans leur juste perspective. Là. Ouais, c'est pas juste un avant-midi, c'est pas une journée. Non, c'est ça. Ça commence à 10h, ça finit à midi et quart, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Écoute, c'est un salon qui est le fun. J'aime le Salon de Québec parce qu'il est facilement accessible, parce qu'on peut y voir plusieurs modèles. Il n'y a pas cette année de grandes nouveautés. C'est-à-dire que ce qu'on nous propose tout au plus, c'est des premières provinciales. Okay. Donc, des affaires qu'on n'avait pas vues au Salon de Montréal, en résumé, là. C'est ça que ça veut dire. Mais qui était à Toronto, qui était ailleurs, mais vu que, tu sais, vu que Montréal tombe en même temps que Détroit, mais souvent Montréal a des choses qu'on ne peut pas avoir parce qu'elles sont à Détroit. Donc, Québec, souvent, les ont à cause que Montréal ne peut pas les avoir. Exactement, ouais. Alors, donc, c'est comme ça. Il y a quand même des affaires le fun. Entre autres, bon, évidemment, là, les Jeep, le nouveau Jeep Wrangler qui est là, tout ça est là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ceci étant dit, c'est pas ça qui m'a intéressé le plus parce que il y a à peu près 450 véhicules et ça, c'est le fun. Ce qui m'a vraiment frappé cependant, c'est qu'on a fait un effort pour aller chercher des pavillons thématiques à l'extérieur. Alors, je pense à la possibilité, par exemple, d'aller suivre des cours de conduite avec le Outlander PHEV dans 12 pouces de neige. OK. C'est Carl Nadeau qui faisait ça, me semble? C'est Carl Nadeau et son équipe. Okay. Là, il n'y a pas que lui. Là. Mais oui, c'est Carl Nadeau et son équipe qui font ça. Oui, effectivement, c'est la partie intéressante parce que ça vous permet de voir, d'entrer en contact pour vrai avec l'Outlander PHEV qu'on a attendu pendant à peu près 25 ans. Bon, j'exagère, mais tu sais comme moi que ça a été très long. Si peu. Et après ça, ça a été l'autre élément, c'est bon, oui, ça vous permet d'avoir un peu de cours de conduite, ça dure 15 minutes là, avec les instructeurs. Mais c'est quand même le fun. C'est aussi la possibilité de faire des tours dans des voitures de luxe. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment cool. Oui, c'est ce que j'avais apprécié le plus du salon quand j'étais à Livre là, 2 ans. Là, la possibilité de conduire une Lamborghini, un Charger L4, plein de choses intéressantes. Une Porsche Panamera hybride, ça avait été vraiment intéressant. Là. C'est ça. Cette année, on a modifié les modèles un peu, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Il y a un petit pavillon où il y a une couple de voitures anciennes et il y a une section où il y a l'armée. Moi, ça m'impressionne toujours, ces gros véhicules-là, complètement fous. 28 000 kilos, quand même. Hein? Ouais, comment ça te pèse? C'est le poids d'un véhicule et il n'est même pas complet parce qu'on pourrait le blinder plus que ça. Ouais. Alors, on peut embarquer à bord et on peut même se promener dans une tente où il fait noir et on nous fournit des lunettes de vision nocturne. Donc, c'est très cool. C'est vraiment juste très amusant. Ben, c'est le fun un peu parce que ça sort du lot des autres salons. Il faut qu'ils se démarquent un peu puis c'est une manière de se démarquer. Exactement. Et je pense que c'est effectivement une des manières. L'autre manière, c'est que justement, il y a moins de monde. C'est facile. C'est plus facile de circuler. Donc, vous pouvez rentrer en contact directement avec les voitures. Est-ce qu'il y a des voitures hyper spectaculaires? Ben, il y en a quelques-unes. Pas hyper spectaculaires. Oui, les Lamborghini sont là et tout ça est là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je te parle plus des voitures de production, là. Il y a des voitures comme le Volvo XC40 qui est là, que moi, je trouve absolument magnifique. Mm-hmm. Je le trouve très beau. Le Ram Sport qui est là. Tu sais, il y a le Jaguar E-Pace. J'ai dit ça parce qu'il faut que je fasse attention à comment je le dis. J'avais tendance à le dire en anglais, mais bon. Alors, c'est le E-Pace. Mm-hmm. Tu sais, il y a toutes sortes de choses donc, qui sont là. Et honnêtement, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Okay. On peut peut-être leur donner un conseil cependant, c'est que dites à votre relationniste qu'il se calme un peu le pompon sur les communiqués de presse. Ouais, parce que c'est assez intense, ma boîte s'est remplie assez vite, puis des fois des doublons. On en souhaite deux par jour quand c'est pas trois pour des affaires qu'on a annoncées depuis plusieurs jours, donc il pourrait se calmer un peu la pompinette, mais dans l'ensemble, c'est un salon qui vaut le détour, qui est intéressant et qui, vraiment, si vous êtes dans le coin de Québec, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au Salon de Montréal, allez-y. Même si vous êtes allé au Salon de Montréal, vous allez avoir l'occasion de voir des choses que vous avez peut-être moins vues à Montréal. C'est un salon qui vaut le détour. Oui, non, c'est un beau salon. J'avais bien apprécié ma petite visite là-bas. Là. C'était intéressant. Puis souvent, la journée journaliste, ben c'est pas tous les journalistes qui y vont. Donc, il y a quand même moins de monde. Tu te piles pas nécessairement ses pieds. Puis, tu as le temps de prendre des photos, des choses comme ça. Parce que des fois, à Montréal, c'est un peu plus compliqué. Là. Mais c'est court, tu sais, de descendre ou de monter à Québec pour 1h30, 2h de salon. C'est un peu ouais, mais en fait, si tu peux faire le tour du salon, ouais. Moi, j'ai fait le tour pour l'émission Virage, entre autres, là. Qui a été diffusé cette semaine, ouais. Que vous pouvez voir sur le site de Télémag. J'ai fait le tour, il y a la Leaf qui est là, il y a la Nissan Kicks qui est là, il y a le Mitsubishi Eclipse Cross qui est là, la Honda Civic HFP qui est là, okay. La Clarity qui est là, en tout cas, il y en a plein comme ça. Là. Vraiment, il y a beaucoup de petits véhicules que, honnêtement, qu'on perd un peu quand on va dans les salons où il y a trop de monde, mais qui sont intéressants à voir, et je pense que ça vaut le détour. OK, c'est bon. Donc là, tu veux nous parler aussi d'un autre salon qui se déroule en ce moment, qui est un petit peu plus loin que Québec, qui est le Salon de Genève. Oui, bien là, il faut parler du Salon de Genève, parce que c'est un salon qui est complètement fou, année après année. Complètement fou parce que c'est un salon où se réunissent à peu près tous les fabricants de voitures complètement flyées. Ouais, si t'as quelques millions de dollars à mettre sur une voiture, c'est la place. D'une part, mais d'autre part, c'est aussi là qu'il y a les designers, les Rinspeed de ce monde, les Pininfarina de ce monde, tout ça. C'est là qu'ils vont présenter leurs concepts et c'est là qu'on sort les concepts les plus fous. Il y a quand même des voitures qui ont été présentées là-bas qui sont très intéressantes. Je pense à la Volvo V60. Mm-hmm. On nous l'avait annoncé un peu d'avance, mais là, c'est là-bas qu'on a pu la voir en chair et en tôle, si tu veux. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment une belle voiture qui reprend la partie avant, les fameux phares en marteau de tor qui sont propres à Volvo. Donc, c'est quelque chose de très intéressant qui est absolument magnifique. Et l'intérieur est aussi super beau. Évidemment, là-bas, tu as toutes les marques françaises que nous, on n'a pas. Donc, Peugeot qui était là avec sa 508, qui est une voiture absolument magnifique, qu'on ne verra jamais chez nous, mais qui est quand même absolument superbe, qui valait quand même le détour. Et c'est drôle parce qu'on en profite aussi pour présenter des voitures que nous, on connaît bien. Par exemple, là-bas, on était fort content de présenter la Ford Mustang Cabriolet 2018 et la Ford Mustang Bullitt. OK. Ouais. C'est sûr que nous, on les a vus il y a quelques mois déjà, mais c'est quand même intéressant. Ouais. Puis le Mustang, c'est moins impressionnant pour nous parce que ça fait des années qu'elle est ici, mais eux autres, c'est quand même assez récent parce qu'il n'y en avait pas nécessairement avant. Là. Non, il y en avait quelques très années, plus, c'est ça. C'était importé, puis c'était plus compliqué. Maintenant, ça s'achète dans un concessionnaire, ce qui est beaucoup plus simple. Là. Exactement. Ouais. Dans les autres nouveautés, ben là, évidemment, ça c'est pour toi, le Bentley Bentayga qui va être offert en motorisation hybride. OK. Ça, c'est le gros VUS Bentley. Hein? C'est le gros VUS Bentley. Affreux, à ce que je sache. C'est pas super beau. Moi, je trouve ça très laid. Ouais, ouais, parmi les très belles voitures, cependant, il faut parler de la Bugatti Chiron. Oui. Mais là, on a présenté une version sport. Une autre voiture qui a un nom bizarre en français. Mais bon. Oui, mais c'est. Je te dirais que probablement quand tu es assis dedans, c'est pas mal ce que tu fais, par exemple. J'imagine. Surtout si tu es passager puis le pilote, c'est un peu ce qu'il fait. C'est ça. Avec la version sport, c'est assez hallucinant. Ouais. Alors, c'est particulier. Il y a aussi toutes sortes de modèles un peu fous. Tu sais, la Lancia Stratos qui a été revisitée par une firme de Turin qui s'est servie d'une base, en fait, de la Ferrari 430 okay. pour créer une voiture qui est assez unique dans son design. C'est difficile de vous l'expliquer, mais c'est quand même absolument magnifique là, comme voiture. On a aussi, il y a des gens qui nous ont pris par surprise. Je pense à Porsche. Porsche qui a présenté la mission E Cross Turismo. La mission E, on le sait, c'est la voiture 100% électrique qui va arriver bientôt chez les concessionnaires Porsche. Mm-hmm. Et c'est une voiture qui dans ce cas-ci, se base pas mal plus sur la Panamera Gran Turismo. Tu sais, la Panamera un peu allongée. Et c'est, mais là, on arrive avec une déclinaison 100% électrique de ce véhicule-là. Donc, c'était quand même particulier. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que Porsche se lance vraiment dans, pas à demi-mesure dans l'électrique. Ça leur tente vraiment de se lancer pleinement, qui n'est pas une mauvaise chose. Ouais. Non, c'est ça. BMW qui a présenté la i8 Roadster, mais étrangement, elle est aussi à Québec. Je te le signale. OK. Bon. Quand même. Plus proche à l'avoir à Québec qu'à l'avoir à Genève. Exactement. Ouais. Mercedes-Benz qui vraiment a pris un peu, encore une fois, les gens par surprise avec la AMG GT Berlin. Okay. La AMG GT, je te rappelle, c'est le coupé deux places là, qui était super rapide et super efficace. Mm-hmm. Mais là, on arrive avec une version quatre portes. Okay. L'idée, c'est qu'on veut, on espère être en mesure de concurrencer la Panamera avec un véhicule qui est vraiment beau, là, qui a une ligne très coupée vers l'arrière, qui est vraiment absolument magnifique. Ouais, ça doit pas être tellement confortable pour ton fiston ici en arrière, par exemple. Ça doit être assez serré là-dedans. Ça dépend comment c'est fait. Je t'avoue, honnêtement, que je l'ai pas vu en vrai. J'étais pas à Genève cette année, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve ça quand même très, très beau comme principe parce que j'aime le look de la CLS, surtout de l'ancienne CLS, qui était une des premières coupées quatre portes qui existait. Et je pense qu'ils ont fait un très, très beau travail avec ça. Là. C'est bon. Lexus qui est arrivé aussi avec le UX, qui est un petit utilitaire sport vraiment compact de petite dimension. Range Rover qui est arrivé avec un SV coupé. Donc, un Range Rover deux portes SV donc qui offre une certaine performance. Honnêtement, bon. Ça, je suis moins sûr. Ouais, hein. Je vais être honnête. C'est moins mon bag. C'est pas laid. Je peux pas dire que c'est laid, mais je suis pas tout à fait vraiment là encore. Ouais. En tout cas, y a aussi le fameux Jaguar E-Pace, la fameuse voiture, ben, le fameux utilitaire sport là, qui est définitivement produit, ben, qui sera produit au cours des prochaines semaines. Donc, on parle là, de 400 chevaux, 400 quelques kilomètres d'autonomie. Donc, ça va vraiment être, je pense, la star de ce qui s'en vient au cours des prochains mois. Ouais, dispendieux, malheureusement, mais bon, ce ne sera pas pour tout le monde. Là. Ça va être quoi, 100 quelques mille dollars, probablement? Moins cher que la Model X. OK, ouais. L'idée, c'est qu'on veut rentrer en bas de Tesla. Ouais, il est plus joli que la Model X, parce que c'est un beau véhicule. Il était, ceux qui ont été à la Formule E cet été, il y en avait un modèle concept là, dans les pavillons plus loin. Là, il était là, le E-Pace. Effectivement, ouais, et on l'a vu de reprise depuis. Oui, c'est vraiment très bon. Ouais. Et enfin, ce qui a vraiment volé la vedette au Salon de Genève, étrangement, ce sont des voitures volantes. Okay. Il y en a deux, en fait. Une société néerlandaise qui s'appelle PALV qui a commencé à prendre des commandes, imagine, pour une voiture volante appelée Liberty. Évidemment, c'est pas, on sait pas, genre, il n'y a pas de date encore. On dit que ça prend à peu près 15 minutes pour décoller avec ça. C'est un moteur de 200 chevaux, capable de faire 1000 km à une vitesse de 160 km/h. C'est un petit habitacle de deux... pour deux personnes, c'est pas super confortable. Non, normalement, mais... c'est pas super beau non plus, parce que... Non, c'est assez ordinaire, je te dirais, dans ce cas-là. Ouais, un ovni. Je suis impressionné par le look, là. Ouais. Ça a l'air de ça, mais... et ça se vend la bagatelle de 500 000 euros, donc à peu près 800 000 $ pour une voiture comme ça. Ouais, pour ça. C'est pas cette semaine que je vais la commander. Par contre, il y a Audi qui a profité aussi. Tu te rappelles qu'à un moment donné, Airbus avait dévoilé une auto volante? Ouais. En tout cas, c'était un projet, mais il y avait le prototype là-bas qui était celui que Airbus a fait, mais que Audi a réaménagé en version voiture de luxe. Donc, évidemment, encore une fois, on n'est pas tout à fait dans le, comment je dirais, l'accessible, mais ça existe quand même. Alors voilà, c'était la... les grandes vedettes du Salon de Genève, mon cher. Moi, ce qui m'a marqué, puis je n'étais pas là, je l'ai vu passer dans un communiqué de presse, c'est que Kia vont dans une deuxième génération de K900. Ah, mais ça, attends, elle n'était pas à Genève. OK, elle va être dévoilée, mais j'ai vu ça passer dans le communiqué. Elle va être dévoilée dans un mois. OK. Je suis surpris. C'est une belle voiture. Oui, c'est une belle voiture. C'est le fun à conduire, c'est puissant, puis tout ça, puis c'est hyper luxueux à l'intérieur, mais... On s'entend-tu que j'en ai jamais vu une dans la nature à part celle que j'ai conduite pour la voiture de presse? Fait que je suis un peu surpris qu'on y aille pour une deuxième génération parce que ça s'est pas vraiment vendu. Puis, il me semble même qu'à un moment donné, elle était plus sur la flotte de presse. C'est comme Kia avait dit, bon, ben regarde, on va la retirer, puis tout ça. Puis c'était comme tranquille. C'est comme un projet qui, OK, on s'est essayé, ça n'a pas marché. On va, tu sais, se retirer tranquillement, puis il arrive avec une deuxième génération. C'est peut-être le fait que Genesis réussit quand même bien pour Hyundai, qui ont décidé, mais regarde, on va se donner une deuxième chance. Je sais pas. Peut-être. Écoute, je sais pas, mais honnêtement, je peux te dire que c'est une voiture qui, effectivement, va très bien. Moi, j'avais eu l'occasion de la conduire dans un contexte un peu particulier où j'étais en vacances en Floride, et c'est la voiture que j'avais conduite pendant une semaine là-bas, et honnêtement, écoute, j'ai rien à redire sur ce véhicule-là, mais la nouveauté est plus belle un peu. Oh oui. Plus de rondeur, plus c'est joli ça. Le nouveau modèle va être encore plus beau que l'ancien. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se vendre là, parce que c'était pas. Le premier a pas été. Le monde se garochait pas chez les concessionnaires pour aller s'en acheter une, mettons. Là. Mais j'espère que ça va être différent. Parce que c'est une bonne voiture. C'est juste que. Bon, c'est comme on dit des fois, qui va payer 70 000 pour une Kia ou pour une Hyundai, à un moment donné, ça, les gens sont peut-être pas rendus là, mais ça reste que c'est un véhicule qui était très compétitif. Là. Effectivement. C'est bon. Effectivement. C'est... Voilà, ben écoute mon cher, voilà qui va pour le moment faire mettre fin à cette introduction un peu trop longue. Puis, ben écoute, on revient après la pause et on va parler de nos essais de la semaine. C'est bon. Nous sommes de retour. Et Marc, ça va être le dernier bloc cette semaine. Normalement, on fait trois blocs cette semaine. Là, je vais te donner une pause parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui, puis moi aussi. Donc, on va faire ça un peu plus court cette semaine. On va y aller avec nos essais, mais c'est vraiment drôle parce que ça arrive vraiment pas souvent. Ça va être une semaine Lincoln. Parce que tu vas nous parler de Lincoln Navigator que tu as essayé récemment. Oui, mon cher. Un frêle et délicat véhicule. Oui, oui. Minuscule, qui se gare facilement au centre-ville entre deux berlines. Mais ça se fait assez bien, mais c'est en tout cas, comment je pourrais dire, c'est... Il faut utiliser les caméras d'un peu partout, là, c'est la meilleure façon. Ouais. Ou le système automatique, là, mais bon, c'est ça. Exactement. Mais ceci étant dit, c'est quand même... comment je pourrais dire, c'est un véhicule qui est absolument spectaculaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vue. Bien sûr, spectaculaire en termes de look. Là, je pense qu'un véhicule de 5 mètres de long, 2 mètres de haut puis 2 mètres de large, c'est difficile à passer inaperçu. Ouais. Spectaculaire parce qu'on a vraiment joué la carte de comment on a réaménagé le design. C'est spectaculaire. C'est vraiment incroyable. La calandre, elle est magnifique. Moi, j'adore, en tout cas. Oui, ouais, c'est joli. La nouvelle calandre est très jolie. Oui, oh non, j'adore ça. Les roues, on a mis des roues de 22 pouces sur le modèle que j'avais, ce qui n'est pas rien quand même. Là. Mm-hmm. Mais ça donnait un look et une prestance à ce véhicule-là qui est absolument spectaculaire. Donc, dans l'ensemble, quand on le regarde de l'extérieur, c'est super beau. De l'intérieur, c'est encore plus beau, je dirais. C'est vraiment super classe comme véhicule. C'est absolument... Le design, la façon dont c'est fait, la qualité d'assemblage, les matériaux, c'est incroyablement sophistiqué comment c'est réalisé. J'ai beaucoup aimé l'écran, entre autres, qui est au centre, qui est facilement accessible, qui ne nous demande pas là, de nous étirer à n'en plus finir. Écran tactile qui est facile à utiliser. Bref, honnêtement, j'ai adoré ce véhicule-là en termes de look. OK. À l'arrière, évidemment, il y a de l'espace, on s'entend. Bon, oui, c'est un 7 passagers, il y a une troisième rangée qui n'est pas pire facile d'accès. On est quand même capable de s'y rendre. Mais je t'avouerai qu'évidemment, c'est avec ma taille de jeune fille, là, qui redevient gentiment une taille de ce que j'avais l'air avant, mais je ne suis pas encore rendu là. Alors, c'est sûr que ce n'est pas si simple de se rendre dans la troisième rangée. Dans la seconde rangée, cependant, écoute, tu as de l'espace, c'est confortable, même les sièges sont enveloppants. Tu as bien entendu des écrans DVD avec écouteurs Bluetooth, donc c'est vraiment sans problème. Bref, c'est quelque chose de vraiment très, très, très raffiné comme intérieur. C'est bon. Le tableau de bord est assez particulier. Il y a probablement une façon de le personnaliser plus que ce que j'ai fait, mais il a l'air un peu dénudé à la limite. Tu sais, l'endroit où il y a les cadrans, là, mm-hmm. Bon, c'est un espèce d'affichage, bon, maintenant, c'est plus des vrais cadrans, un espèce d'affichage vidéo, là. C'est presque dénudé, presque dérangeant tellement c'est vide, mais on finit par s'y habituer et ça, j'ai adoré ça. Mon bémol, ben, c'est toujours le même. Moi, je n'aime pas les boutons pression quand on arrive le temps d'avoir une transmission. J'aime mieux un bon vieux levier, un peu plus traditionnel. Ouais. Ça permet cependant de dégager la console centrale et d'offrir un espace de rangement qui est absolument spectaculaire. Là. D'après moi, tu peux traîner ton laptop là-dedans sans problème. Oh oui, probablement c'est grand, oui. Effectivement. Un système, le multimédia est efficace, il est correct. Je me suis pas trop battu avec, ça a bien été, facile de jumeler. Donc, dans l'ensemble, du point de vue ergonomique, du point de vue confort, c'est agréable. Sièges avant, bien entendu, qui sont chauffants, ventilés et massants, rien de moins. OK, massant, c'est bien. Massant, ma femme aime. Elle avait eu ça dans le Lincoln Continental et puis elle m'en parle encore. Ouais, moi aussi, là, ma femme a... Et c'est très drôle parce que c'est généralement ma femme qui trouve les endroits pour partir le siège massant avant moi. OK, elle est comme affûtée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle, il y a deux affaires qu'elle regarde dans une voiture, c'est les porte-gobelets et les sièges massants. Non, c'est pas vrai, elle regarde d'autres choses, là, mais ça fait partie des affaires qu'elle regarde avec beaucoup d'attention. Okay. Ensuite de ça, il y a aussi le comportement routier. On se retrouve quand même avec un véhicule qui s'est beaucoup allégé avec l'usage de l'aluminium. On est vraiment rendu avec quelque chose de plus agréable. Moteur V6 3.5 litres turbo, l'EcoBoost bien entendu, mm-hmm. 450 chevaux. C'est quand capacité même bien. De remorquage de 8500 livres. OK, donc c'est quand même pratique. Oui, c'est ça. C'est qu'on n'est pas, on n'a pas fait de compromis sur les capacités de travail du véhicule. On a vraiment été capable de faire quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Assez intéressant aussi d'un autre point de vue, c'est que moi, je pourrais dire, c'est que c'est à la fois quelque chose de pratique et à la fois quelque chose de confortable et à la fois. Alors, tu sais, ça devient vraiment un véhicule qui est assez polyvalent. Il est magnifique, il va bien. Écoute, ça demeure quand même très imposant comme conduite. C'est gros, ça se manie relativement bien. Les suspensions sont relativement rigides. Il y a différents modes de conduite qui te permettent, bien sûr, d'utiliser le rouage intégral. Ça va bien. C'est sûr que c'est énorme, là, tu sais. J'étais content d'avoir des caméras 360 qui me permettait d'avoir une vue à vol d'oiseau pour me stationner dans des espaces un peu plus restreints. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui m'a impressionné par sa facilité, par son comportement routier. C'est sûr que moi, j'avais la version la plus sophistiquée qui vaut... Ah, j'oubliais, on a aussi le Backup Trailer Pro Assist. Là. Ah, ils ont mis ça que j'avais essayé dans le Ford F-150. Ouais. Exactement, et ça va super bien encore. Alors évidemment, c'est une bonne chose. Plus tous les éléments de sécurité... embarqué. Le seul qui m'a un peu déçu, en fait, c'est le maintien en voie. Tu sais, d'habitude, là, tu t'en vas, puis de plus en plus, quand tu débordes de ta voie sans signaler, la voiture va te ramener vers l'intérieur. Ouais. Or, dans ce cas-là, elle t'avertit, elle fait des vibrations, mais elle ne te ramène pas. OK. Elle te laisse le choix de ramener ou de pas ramener. Okay. Ça m'a un peu étonné, parce que je m'attendais vraiment à une intervention plus violente du véhicule, mais dans l'ensemble, pour le reste, ça va assez bien. Écoute, le seul bémol, c'est le prix. Oui, c'est sûr que c'est en compétition avec le Cadillac Escalade et tout ce que tu voudras, mais la version que j'avais, c'est quand même 101 000 $. Comment ça va être dispendieux? Ça commence à être du stock et j'ai pas réussi à faire mieux que 15 litres au 100 ou à peu près. Fait que non seulement c'est dispendieux en termes de sous, mais c'est dispendieux en termes de consommation de carburant. Oui, c'est confortable. C'est avec ça que j'ai fait l'aller-retour pour le Salon de Québec et j'ai beaucoup apprécié, mais n'empêche que tu sais, à 15 litres au 100, je t'avoue que vraiment que ça a l'avantage de te garder le pied léger, même si tu as 450 chevaux puis que les accélérations sont relativement nerveuses, mais honnêtement, j'étais un peu plus prudent quand j'ai vu le prix que ça me coûtait d'essence. Ouais. Fait que, mais toi, avec ta Lincoln, tu as été plus économe que ça. Ben oui, puis c'est pour ça que je disais que c'est une semaine Lincoln. Cette semaine, moi, je conduisais la Lincoln MKZ hybride. Véhicule, j'avais eu l'occasion de conduire la version... Hybride, hein? Ouais, hybride. Quand je viens de te dire que je faisais 15 litres au 100, c'est ça? Ouais, c'est ça. moi, j'ai fait moins que ça. Juste pour vous dire, j'ai fini ma semaine avec une moyenne de 6,5 litres au 100 km avec la version hybride. Donc, véhicule... Je peux-tu t'envoyer ma facture de gaz ou la moitié de ma facture de gaz la semaine passée? Non, c'est correct. Mais je peux imaginer ce que ça avait l'air, ta facture de gaz, par exemple. Mais c'est ça, c'est un véhicule qui est franchement hyper... frugal, tu sais, ça consomme pas beaucoup pour la grosseur de la berline. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment efficace. Bon, c'est pas une motorisation de feu. Là. On a un moteur 4 cylindres à cycle Atkinson, là, qu'on appelle, qui est un moteur 2 litres qui développe, lui, 141 chevaux, 129 livres-pieds de couple. Puis on a un moteur électrique qui développe 118 chevaux, 177 livres-pieds de couple pour un combiné de 188 chevaux, 200 livres-pieds de couple. Mais c'est un véhicule qui est hyper efficace. C'est un véhicule qui... Moi, j'avais essayé l'ancienne version avec l'ancienne calandre avant. J'aimais pas vraiment la grille, là, c'était l'espèce de chose pointue. C'est ce qui tuait un peu le design de la voiture. Celle-là, depuis qu'on a pris la Calandre finalement qu'on avait présentée sur la Continentale, ça fait une voiture qui est vraiment magnifique. C'est beau, ça a l'air d'une voiture hyper dispendieuse parce qu'on y a vraiment donné. Les phares sont jolis, les enjoliveurs sont jolis, la voiture a l'air agressive. Si on regarde à l'arrière, on a vraiment une ligne de coffre qui est plus sport avec un feu arrière là, qui fait vraiment la longueur du coffre avec un échappement double. C'est vraiment une belle, belle voiture. Puis à l'intérieur. Ouais, est-ce que tu avais celle avec le toit ouvrant? Le toit panoramique. Oui, le toit panoramique ouais. En plus. L'intérieur, hyper confortable. J'avais pas les sièges massants, malheureusement, mais j'avais des sièges chauffants, ventilés, volants chauffants et tout ça. Le système 5-3 qui est hyper efficace. Franchement, ça, c'est tellement une belle amélioration de My Ford Touch qui était là avant, là, qui était inutilisable. Mais tu sais, c'est un véhicule qui est raffiné. Puis même si c'est pas la plus dispendieuse, là, on s'entend, là, la MKZ, c'est la fusion chez Lincoln. C'est la même voiture, c'est ouais. La même plateforme, sauf que c'est une voiture qu'on met un peu plus, tu sais, cossue, là, ça a l'air plus élégant. L'intérieur, les sièges sont super beaux, sont hyper confortables. Beaucoup d'espace en arrière, siège chauffant en arrière aussi. Fait que, tu sais, tout le monde était confortable dans cet habitacle-là. Position de conduite qui est correcte, qui est confortable aussi. Puis, un rendement, une douceur de roulement. Là, on s'aperçoit qu'on est ailleurs, tu sais. Une fusion, c'est confortable, mais là, on s'aperçoit qu'on est un petit peu ailleurs. On a raffiné les suspensions pour que ça brasse un peu moins et que ça soit plus confortable. Le coffre est quand même assez grand. On perd un peu d'espace parce que la batterie pour le mode hybride est dans le coffre. Donc, vous ramassez avec une bosse un peu juste sur le côté des sièges, juste en arrière des sièges, ce qui fait que vous perdez un peu d'espace là. C'est pas aussi profond, mais le coffre est quand même assez grand pour partir en vacances ou aller faire une épicerie ou rien. C'est quand même assez grand. Fait que c'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié. C'est un véhicule qui est joli, qui est confortable. Bon, un peu dispendieux. On parle de 49 100 $ là, pour de la manière que celle que je conduisais était configurée. Mais là, on parle de toutes les options, la détection de changement de voie et tout ça, et le toit panoramique et le système de son haut de gamme. Et, c'était vraiment tout équipé. Donc, c'est un peu dispendieux, mais si on regarde, si vous cherchez une berline luxueuse qui va faire une consommation d'essence qui est presque hallucinante, là, 6,5 litres au 100 km pour une berline de ce grosseur-là, c'est vraiment très bon. Je veux dire, c'est un bon choix. Je pense pas que c'est une erreur d'acheter un véhicule Lincoln aujourd'hui. Là. Il y a quelques années, j'aurais peut-être dit, ben, tu sais, il y a beaucoup de choix, puis surtout que c'était pas hyper beau. Aujourd'hui, ils sont rendus magnifiques. Là. C'est vraiment des véhicules qui sortent un peu du lot. Là. C'est vraiment joli. Puis tout le monde au bureau me dit, hey, c'est toi qui conduis à Lincoln cette semaine? Je m'en allais dire, ben oui, qui d'autre tu peux penser qui peut conduire une Lincoln cette semaine? Je pense pas que personne au bureau va s'acheter une Lincoln demain matin. C'est encore drôle, tu sais pas. C'est pas si cher que ça. Non, non, mais c'est pas nécessairement d'un budget des gens qui travaillent avec moi, je le sais. Là. C'est pas ce que les gens iraient avec. Là. Le plus haut que les gens vont, comme dans notre coin, c'est des Accord bien équipés. Certains patrons, peut-être, pour avoir ce véhicule-là. Mais normalement, c'est des voitures un peu plus grand public. Là. Mais c'est un beau véhicule. Puis les gens me posaient des questions dessus. Ah ouais, c'est donc bien belle. Puis tout le kit. Fait que je répondais. Fait que c'est un véhicule qui est abouti. Outils. Puis comme tu disais dans ton Navigator, c'est luxueux à l'intérieur, c'est bien fini, c'est vraiment un véhicule que j'ai beaucoup apprécié. C'est à savoir si c'est le genre de véhicule et de budget que vous voulez mettre sur un véhicule. C'est sûr, il y a d'autres modèles non hybrides qui sont moins chers. Je pense que ça commence à 44 000 $ la MKZ là, dans sa version de base. C'est quand même bien équipé, puis il y a des versions avec des 6 cylindres plus puissants et tout ça. Mais franchement, la version hybride est tellement efficace, je pense que ça serait mon choix personnel, là, ce véhicule-là. C'est bien, mon Dieu, c'est rare que tu aies aussi dithyrambique à l'égard d'un véhicule. Oui, mais non, j'ai resté agréablement surpris. Est-ce que tu vieillis? Probablement. Je te rejoindrai jamais, là, mais je veux dire, quand même, peut-être que je mature. Je sais pas, on verra. Mais la semaine prochaine, je vais parler de la Golf GTI la semaine prochaine. Je vais peut-être revenir un petit peu plus jeune avec la casquette en revirant à l'envers et tout ça. On verra. Donc, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, écoute, sur ma page Facebook, évidemment, je pense que c'est le meilleur endroit. Sur mon blog, marcbouchard.ca, même si j'y suis un peu moins actif. Sur Twitter, c'est Marc souligné Bouchard. Sur Instagram, Bouchard souligné Marc. Et bien sûr, info@saroulradio.com qui est l'endroit où on reçoit tous les deux les courriels. Donc, c'est la méthode la plus facile pour nous rejoindre tous les deux. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui nous ont écrit depuis quelque temps. Et je vous invite à aller voir sur notre page Facebook aussi, Ça roule radio. On a publié cette semaine un commentaire d'un de nos auditeurs français. Oui, Cédric. Cédric, oui. Que j'ai trouvé fort intéressant parce que Cédric est allé faire un tour en Islande et il a été fort impressionné des véhicules qu'il a vus là-bas et a partagé son expérience. Je vous invite à aller voir ses photos et à aller lire tout ça sur notre page Facebook, Ça roule radio. Oui, c'est ça. Puis Marc, je te ferai remarquer qu'on a la semaine passée, on a posé une question aux gens pour le financement de l'émission, puis on n'a eu aucune réponse. Donc j'imagine que les gens ne sont pas intéressés. Donc, on va garder ça tel quel dans ce cas-là, puis on se cassera pas la tête avec le reste. Donc, parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte Twitter de Ça roule radio, qui est Ça roule radio, la page Facebook, comme Marc vient de dire. Et si vous voulez nous écouter, ben, il y a Google Play, il y a aussi iTunes, puis il y a Radio Web, hein, Radio Média Plus et sportradio.ca qui nous diffusent de temps en temps au courant de la semaine. Donc, merci beaucoup, Marc, d'avoir fait cette émission malgré ton horaire chargé aujourd'hui. Je te laisse aller travailler et vaquer à tes autres occupations. Et puis, aux auditeurs, bon, on vous dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Bye, bonne semaine.